I'm a vu de chez moi. Vu de chez moi, des blocs de béton, le tâtonnement des cloches, des milliers de passages piétons, vu de chez moi. Vu de chez moi, c'est une pharmacie, quand tu as une douleur, ils te soignent en te donnant un sourire qui te va droit au cœur, vu de chez moi. Vu de chez moi, c'est le son d'un piano, quand il y a une des notes qui les rappe, cela reste une mélodie qui rentre en harmonie, vu de chez moi. Vu de chez moi, c'est le chien qui regarde par la fenêtre, qui s'inspire des différents bruits qu'il ne connaît pas. Pour se voir ce qui se passe chez moi, faites comme moi, ouvrez les fenêtres, inspirez-vous des bruits. Un petit moment que vous comprendrez ce qui se passe à l'extérieur, vu de chez moi. Vu de chez moi. Vu de chez moi. Chez moi.